savait pas où embarcer, on écrasait du guano. Mais un jour tu l'arrives pas, j'y sais, ouais. À Maria Hills, tu nous as sauvés. La tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse. Mais un jour la mort t'a enlevé, et loin de nous elle t'a emmené. Même là-bas tu continues de veiller sur les pelouses de tout le monde entier. La tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse. Oui, un jour la mort t'a emmené, t'a enlevé. Même là-bas tu continues de veiller sur les pelouses de tout le monde entier. La tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse.